Non, en fait, c'est maintenant les athlètes doivent obtenir le critère espoir pour pouvoir accéder aux Jeux du Québec. En tennis, on était dans l'obligation d'avoir une équipe de 6 personnes, dont 3 filles, 3 garçons. Et malheureusement, on n'a pas réussi à qualifier nos 3 filles pour avoir le critère espoir. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à avoir notre équipe en tennis. Okay. Comment vous avez trouvé ça? Pour vous, c'était une première expérience comme chef de mission. Comment vous avez trouvé votre expérience? Ah, c'était une très belle expérience. C'était plaisant. Les jeunes étaient dynamiques. On avait des personnes qui encourageaient bien. Notamment, exemple, les filles en soccer féminin ont joué quelques matchs, mais ils venaient encourager les autres. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Les jeunes étaient très polis, étaient très enjoués. Puis, c'est sûr que lorsqu'on voit des jeunes atteindre des médailles, exemple, en tir à l'arc, en golf, voir comment ils se démènent pour les obtenir, c'est une satisfaction en soi. Là. OK. C'était une belle expérience également pour les gens de Thetford, parce qu'on peut voir les gens ont participé beaucoup, hein, en grand nombre pour ça. Ah oui. C'est en plein ça pour les bénévoles, pour l'alimentation, l'hébergement. On avait vraiment une belle expérience. Là. Je vous dirais, c'est comparable à celle qu'on a vécue à Alma. C'était vraiment intéressant. La dynamique du comité organisateur également, c'était super, c'était numéro un. OK. Ben Alexandra, un gros merci. On va certainement s'en reparler dans d'autres occasions et au plaisir de se reparler. Bon, un plaisir, ça me fait plaisir de vous reparler, Dani. Voilà la chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a remporté 19 médailles, Alexandra Lavoie.